C'est le temps des pommes, quand vient l'automne. Le temps est froid, les nouvelles sont chaudes, ça c'est belle fun. C'est le temps des pommes, c'est un vrai sitcom. De voir autant de gens normaux qui surconsomment. Ça fait la file sur le trottoir comme du bétail à l'abattoir. Pour être la première personne à se payer le cinquième téléphone, la pomme. Hey, il est beau, hein? Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus que l'iPhone 4? Ben là, le chiffre 5. Décrochez donc du téléphone. Déjà en Outaouais, il y a du gel automnal. Pendant qu'en Ontario, c'est du gel salarial. Ça se fait exploser pour le Charlie Hebdo. Moi, j'aime mieux me reposer avec mon TV Hebdo. C'est le temps des pommes, ma télé résonne. Y'a des nouvelles qui me donnent le goût d'y lancer des pommes. Y'a la commission Charbonneau, pis la face de Justin Trudeau. J'apprends le vote de Rona Ambrose. Pis j'ai juste le goût de peser sur pause. C'est le temps des pommes. It's apple time. À Ottawa. English is fine. À la mairie, parler français intéresse personne. Et vous savez ce que vous êtes, vous, hein? Who, me? Vous êtes juste une mairie anglaise. Oh, well, Mary English to you too. Des riches qui font pitié, c'est une chose peu commune. Je lance mon panier de pommes à Gary Bettman. Chez nous, les fortunés seront plus imposés. Rétroactif. Je suis sûr qu'à l'Halloween, ils se déguisent en Pauline. Madame Marois, les mieux nantis, on partage quand même deux choses avec vous. On est minoritaire, puis on va passer au cash dans 6-7 mois. C'est le temps des pommes, et il y a une tonne de choses qui disparaissent quand arrive l'automne. Le chaud, les feuilles, les jupes courtes, les contrats gonflés pour les routes. Comme par magie, tout disparaît, les bikinis, les gens charrettes. Les pneus d'été et le compost comme s'il y a un magicien d'os. Et mon auto dans 174. C'est le temps des pommes, nouvelle pas le fun. L'actualité me fait vraiment perdre confiance en l'homme. Notre pays ferme ses ambassades et puis y'a Bachar al-Assad. Quand j'entends ça, je me barricade et je me fais cuire une belle croustade. Quand on cherche des vraies valeurs, on choisit quelque chose qui a du cœur. En automne, je choisis la...